la terre résiste aux politiques instaurant l'omniprésence policière. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ne rien faire pour autant, c'est se condamner à se taire. Comme un amour de 15 ans, j'appelle à la rébellion, mais j'ai juste pris le temps de la réflexion. L'amour colmate la faille creusée par la haine ordinaire de ceux qui dénoncent la racaille. Déjoue les pièges subtils qui menacent ta progéniture et qui tentent d'en faire un débile pour mieux contrôler son futur. Comme un ado de 15 ans, j'appelle à la rébellion, mais j'ai juste pris le temps de la réflexion. Multiculturelle, ça veut dire la guerre. Et ça veut dire la guerre des civilisations. Et ça veut dire que c'est le plus nombreux qui gagne. En l'occurrence, l'islam. Monsieur Zemmour, j'ai l'impression que vous appréciez beaucoup l'autorité. Hein. Et il me semble que vous avez un problème avec une autre autorité qui, à mon sens, est la plus noble. C'est l'autorité intellectuelle.